Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, édition d'avril. On démarre naturellement un hommage au grand Keith Emerson, notamment dans sa carrière au travers de LP. On continue avec leur premier album, ELP tout simplement, Take a Pebble. Thank you. Had you talk to the winds of time. Then you'd know how the waters run, taste of wine. How can you know where you've been in time? You'll see the sign and realize. Saved. from the grave. Slowly drawing nearer to the time, a sign. The weaver and the web that he made. A bishop rings a bell, a cloak of darkness fell across the ground. Without a sound, the silent choir sing, and in their silence bring jaded sound. Harmonic crown, the weaver and the web that he made. Thank you. Thank you. Vous avez reconnu Tarkus, deuxième album d'Emerson, Lake & Palmer, qui date de 71, juste avant un large extrait de Emerson, Lake & Palmer, l'album éponyme de 70. On continue cette rétrospective avec l'album suivant d'Emerson, Lake & Palmer, Help, avec un jeu de mots bien évident pour une oreille anglaise. Je veux parler de Trilogie, et aussi pareil, hein, troisième album, ça date de 72.1973, c'est la publication de Brain Salad Surgery, qui est pour moi l'album préféré de LP. On a entendu tout à l'heure Jerusalem, on continue avec un extrait de cet album tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressif bien sûr. tree and hangs the universe until the wind of laughter blows cold. With demons blazing torch thrust into the face of the night, draws a blade of compassion kissed by countless kings whose jeweled trumpet words by his side. Walls that no man thought would fall, the altars of the just crush. Thank you. Keith Emerson était en quelque sorte le Jimi Hendrix des claviers, inventivité, folie à la fois, dextérité. C'est un de mes amis qui me l'avait dit il y a quelques années, je pense que c'est tout à fait vrai. Un peu un claviériste, un musicien mal aimé, puisque on a vu le silence presque total des médias lors de sa mort. Je trouve ça assez triste, pour pas dire scandaleux. On va terminer cet hommage et cette première partie d'hommage, puisque on s'en tient pour l'instant à la période Emerson, Lake et Palmer, avec un tout petit peu retour en arrière, un tout petit retour en arrière avec Pictures at an Exhibition. C'est un live, c'est 71, c'est une reprise endiablée du chef-d'œuvre de Moussorgski. Je me souviens encore de l'amour des puristes de la musique classique quand cet album est sorti, et pourtant c'est une réelle réussite. Voilà, et après on entamera deux autres faces du talent de Keith. Tout de suite donc un extrait, je dis bien un extrait The Pictures at an Exhibition. We're going to give you Pictures at an Exhibition. chalk the tears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now in furrows of sorrow, the doubt still is sown. My life's course is guided, decided by limits strong. On charts of my past ways and pathways since I was born. Shaken away. It lives deep within me, for I breathed it every day. You and I yesterday's answers, the earth of the past come to flesh. Eroded by time's rivers, to the shapes we know possess. Come share of my breath and my substance, and mingle our streams and our time. our eyes. Thank you. Mon ami Olivier, qui a largement contribué à cet hommage, va être satisfait puisque je vais passer maintenant un de ses albums préférés de LP. Entendez Emerson, Lake et Powell, un album de 86, on fait un bond dans le temps et vous allez voir, c'est bien troussé aussi, une période plus moderne dans la carrière de Keith Emerson. Tout de suite, un extrait de cet album qui date donc de 86. Fin de l'hommage à Keith Emerson avec un extrait de son album solo, il en a fait beaucoup. En tout cas, celui qui est sorti en 1995, que toute beauté, qui a été réédité par Esotérique. Je veux parler de Changing States. Voilà donc un extrait de cet album solo. Et c'est ainsi que se termine cet hommage à ce grand sorcier des claviers. Petit problème technique, je choisis un autre morceau, toujours de Changing States. Suite et fin donc de l'hommage à Keith Emerson. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Donker ! Sol, 100.7. Je voulais faire un petit message de soutien à nos amis belges après la tragédie qui est arrivée il y a peu de temps. L'idée m'est venue de passer un de leurs meilleurs groupes, je dis bien un de leurs meilleurs groupes parce qu'il y a une foison de groupes belges de qualité. En tout cas, dans le progressif symphonique, le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est Machiavel. Et dans leur discographie somptueuse, j'ai pensé tout de suite à Mechanical Moonbeams. Voilà donc quelques extraits de cet album de 78 qui a été réédité toujours par nos amis britanniques de Esotérique. Tout de suite, Machiavel. Allez, on est là pour se faire plaisir. Trois autres morceaux de ce superbe Mechanical Moonbeams. And shadows of the night followed the light. And to the path to the next blunder of light. The rain had beaten down. When the mountain bends. The snow pearled the sky, and slowly it melted, drop by drop. A rainbow of eight colors was hanging in the sky, offered by the gods for the new season. Thank you. Chester, the tune of the 70s. A little boy wasn't laughing, he just stayed there and said nothing. With his little merry-go-round that he made turn on the ground. Que c'est bien Machiavel, Mechanical Moon Beams. Ça date de 78 et c'était un petit message de soutien à nos amis belges. Voilà, ça se termine ainsi cette émission d'avril. Je vous donne rendez-vous le 2 mai, lundi 2 mai, 20h30, 22h30, comme d'habitude. D'ici là, vous pourrez réécouter cette émission en podcast. Qui sera en ligne, je pense, demain ou après-demain. Côté concert, rien que j'ai pu noter sur mes tablettes. En revanche, je vous invite à venir à un salon du livre au PH du Roussillon. Le PH du Roussillon, c'est au sud de Lyon. Souvenez-vous, c'est là où avait eu lieu le PH du Rock, animé par notre ami Laurent. Eh bien, cette année, il fait venir des auteurs, dont notamment Nick Gardel. Nick Gardel, c'est l'auteur d'une superbe, je souligne, d'une superbe trilogie de polars prog, oui, prog, inspiré, qui baigne dans le progressif, c'est un régal. Son dernier volume s'intitule « Mal placé ». Pour ceux qui ont des lettres prog, ils vont dire « Ah oui, Misplaced Childhood ». Et ils ont raison. Voilà, vous savez tout presque. Merci à Olivier, merci le grand Olivier, merci à Michel pour son soutien. Et tenez tati, à que la prochaine. Ciao, ciao. C'était Prog à part, une émission proposée par Thierry Sportouche. L'indicatif de ce soir, c'est bien sûr encore et toujours Emerson, Lake and Palmer, extrait de Brain Salad Surgery. Ciao, ciao, bye, bye. Drink her till she